Activité 40. 1. Regarde, c'est une photo de ma famille. Il y a André, mon mari. C'est l'homme assis. Il a 70 ans, donc ses cheveux sont gris. L'homme debout à gauche est mon fils. Il s'appelle Arnaud. Il a 46 ans. L'autre homme, à droite, le très grand, c'est Philippe, le mari de ma fille. J'ai deux filles. La blonde s'appelle Monique et celle qui a les cheveux bruns, c'est Béatrice. 2. Sur cette photo, il y a mon frère Jean-Luc. C'est l'homme petit avec une moustache. Il y a aussi Jacques, mon autre frère. Lui, il est grand. Il a une moustache aussi. Ils sont avec leurs filles. Il y a Mathilde, Sonia et Clara. La femme blonde aux cheveux courts, c'est Clara. Sonia a 42 ans. C'est la femme blonde avec les cheveux très longs. Et l'autre, c'est Mathilde.